Eba, voilà. Oh, petit Vitara, le semen de la batterie. Yoka, regret, éternel, maman. Ah, de la la tombe, tu m'as pas mal, yo. Boutou et moi, tu l'as ta canne, tu m'as pas. Mais quand si tu m'as pas mal, tu m'as pas mal, tu m'as pas mal, tu m'as pas mal, tu m'as pas mal. Soit qui tous à la camantane ici mon corps, ou l'india qui au kende de oti kamaya. Ote a me crédit maïna, l'ota qui est pesa qui n'a pas si n'a kobama. Si tu permanes, l'ota qui au pembenya et balé, yo pesi maman comme moi pose à la qui volé là. Wanzoke zala kindoto ya mukuya Wangaina kintele na kwe baria Wanzoka germano tiki makala papa Wosafe dezer nga ikitiba kulo Amina nga ya mote mato zala kakolo Tandoto moko kutu moko Risho ngamba Woke namna mama ye Emilia na ina papa ye Sambo ba mona kio na kati ya profesi Oma lopyo zali onche gardien yanzambe Oyaka kimo kiliko mensobe na ma Ose frate le soze moto esu kakali Yangana yote mwana nwe koka kite Otonde sifale ope sangata en deception Frema yo kane oponi langa seniwa Rande rambo eh Eleli Pirance German, Eleli Mansama, Ivan Mansama. Mokola ya mona tika la ki mwana mawagala Basile na mwe mwana na kina ndate na lote kie Yota pene Nika mwana linda armane tika liele mwana mwote maga Nika mwana ya ya sotale Voyage mwani ndenge oko sima Mwana kena kintele gen Pena le lire no ma poema ma O que male banina ne va que le kina le samo va mona ki ona kati a profesi Joni malade Yo sali on se gaje ensemble we aka ki mo ki ni kwa me so bena ma O se fete ne so se mo to yesu ka kaliwa ya mana yo te mona le foka ki te Iska ni kanu Ta déception, vraiment yo, oui, pour personne. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Mbemboyaliwa ama na kulela mawa bongo mosusu wa ezalaka na bo deliverance merci ndembe okomina pe kotikani na mokili mais la défaite est une autre façon de reçu de la vie mbuta mashatado vestire okemba Kaka ye, bete wa kaka.